oiseaux. Dans les villes, jouez! Qui viendrait voudrait voir venir? Ma accorsi che voi pensavate la qualità della mia vita oscura. Dans les villes, jouez! Noirceur, sans vrai de la pluie. Le ciel est assente. Tu te donnes, ils ne rend rien. Come on, find out the clash. There's a weekend,